Oui, alors là, on change complètement d'univers. Je vais me retourner vers Sylvie. Sylvie Port du Forum des Images. Est-ce qu'elle a reconnu ce que c'était? Mais écoute, je connais ça, mais je suis capable de te donner le titre. Mais je connais ce Alors son, ça, oui, je connais c'est ce pas pour son. rien, évidemment, que j'ai lancé ça. La musique que vous venez d'entendre est de Nobuo Uematsu. Et donc, c'est tout simplement une musique du premier Final Final Fantasy, Fantasy, du jeu vidéo. ouais. Alors, si je parle du premier jeu vidéo de Final Fantasy, c'est pas par hasard, c'est tout simplement que l'invité d'honneur du quatrième carrefour de l'animation n'est autre que Yoshitaka Amano. Amano qui étant le graphic designer, comme on dit, caractère designer De Final. De tous les Final Fantasy, Ouais, c'est même ça. s'il s'est arrêté au sixième, je crois. Oui, Mais il a tout sixième. Dessiné les. Il a tout dessiné les personnages, ouais. D'accord, Ouais. tous les petits trucs bidules, enfin Ouais, tous les ouais. Okobo, j'arrive jamais à L'univers. dire. Voilà, tout l'univers. Alors pourquoi Yoshitaka Amano et pourquoi avoir décidé, c'est la première année, l'année dernière aussi, il y avait eu une ouverture déjà vers le jeu vidéo. On reviendra Ouais. sur l'animation évidemment qui va nous Ouais. intéresser plus. Pourquoi avoir décidé de se lancer plutôt vers le jeu vidéo aussi, enfin aussi sur le jeu vidéo? Alors, par rapport à l'invité ou par rapport au Déjà par carrefour? rapport à l'invité, qui est en effet Ouais. n'importe quel invité, puis évidemment on va voir, mais il y a pas mal de cartes blanches, de conférences sur le jeu vidéo. Pourquoi ce D'accord. recentrage un petit peu? Donc, effectivement, depuis l'an dernier, en fait, depuis la troisième édition en 2005, on a ouvert aux jeux vidéo, enfin, aux écoles qui forment au métier du jeu vidéo. Parce que bien évidemment, c'est quand même un des secteurs aussi où l'image est omniprésente, où l'animation est omniprésente. Donc, et puis il y a beaucoup, énormément d'échanges, de regards croisés entre ces écoles, ces étudiants qui peuvent passer aussi d'une école à l'autre, etc., etc. Mais est-ce que ça voudrait dire que c'est bouché l'animation maintenant? Donc il faut que Non, les gens je crois d'animation pas. aillent vers Non, le pas jeu du vidéo? tout. Non, non, non, non. Mais non, mais par exemple, pour prendre simplement le cas de deux écoles qui sont sur Valenciennes, que j'appelle les sœurs jumelles en fait, il peut y avoir, ce qui s'est assez produit, je pense, assez souvent, des étudiants qui passent comme ça d'une école à l'autre, Ça, qui les deux font écoles sont Superinfocom Super et Info Game. voilà. Donc elles sont pas forcément complémentaires, mais je veux dire par là que des infographistes peuvent à un moment donné faire une année ou deux à Superinfo Game, etc. Donc, ceci étant, pour revenir au choix de l'invité, parce que ça c'est une très bonne question et c'est très important, comme tu sais, depuis véritablement l'an dernier, donc toujours cette troisième édition, on fera comme ça chaque année une invitation à une personnalité phare dans le domaine de l'animation, ça peut être dans le domaine du jeu vidéo, et voir les deux. Pour ce qui concerne Yoshitaka Amano, en fait, l'idée est venue. C'est assez joli comme je trouve comme idée et comme rencontre. C'est parti d'Annecy en fait. Il y a 2 ans, où j'avais entendu, j'ai assisté à une conférence à Annecy qui tournait autour du jeu vidéo. Donc, il y avait un panel d'intervenants très intéressant et des gens comme Marc Caro, Denis Friedman, etc., etc. Et on avait déjà idée, si tu veux, de faire quelque chose autour des métiers du jeu vidéo, etc. Faire un focus un peu sur le game design, quand même une profession phare dans le jeu vidéo, le chara-design, etc., etc. Et puis j'ai entendu un Oh, conférencier. attends, on va peut-être dire des petites choses, parce que chara-design, je suis pas sûr que tout le monde, Oui, alors voilà, forcément, qui nous écoute, voilà, ça. Alors, c'est quoi le chara-design? le chara-design, c'est celui qui dessine les personnages, Qui vient de caractère designer. designer, en Voilà. fait, Voilà. voilà. Et donc, cette personne à la table ronde a parlé d'un projet qu'il menait avec un grand game designer japonais, Yoshitaka Amano. Donc, j'ai pris note de tout ça, et je trouvais ça très intéressant, sachant que nous, au Forum des Images, on a développé un festival qui s'appelle Nouvelles Images du Japon, qui existe depuis 1999, qui a lieu tous les 2 ans. On avait déjà essayé de faire venir Yoshitaka Amano. Et puis, chemin faisant, ça ne s'est pas fait. Donc, tout ça faisant, je trouvais intéressant de. Donc, une année plus tard, avec donc Xavier Kawatopor, qui a donc initié ce festival, et avec lequel j'ai créé le Carrefour Animation, on s'est dit que ça pourrait être l'invité potentiel du Carrefour Animation qui regroupe le cinéma animation et le jeu vidéo. Yoshitaka Amano travaillant pour dans ces deux domaines, et bien, bien au-delà de ces deux domaines. Je trouvais que ça avait un sens, plus qu'un sens même, de l'inviter. Par ailleurs, comme nous sommes, comme tu le sais, hors les murs, puisque nous sommes en période de travaux, de réaménagement du site, pendant 18 mois, enfin jusqu'en début 2007, Nous n'avons pas donc eu en 2005, comme il aurait dû se passer, la quatrième édition de Nouvelles Images Japon. On voulait absolument maintenir hors les murs un événement lié à l'animation. Donc on a essayé un petit peu de regrouper les choses et de faire, donc de passer d'abord de une journée qui était donc le carrefour d'animation sauté sur une journée jusqu'à présent, donc de regrouper ça en trois jours. Et de faire. On va dire les dates, voilà. On les redira plusieurs fois, qui sont 10, 11 et 12 mars prochain, donc à la Cité des sciences et de l'industrie, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc on a voulu jouer un petit peu sur ces deux temps forts, donc le carrefour d'animation, maintenir le carrefour d'animation, en faisant un regard croisé avec le Japon. Et donc en invitant cette personnalité. Alors il n'y a pas que Yoshitaka Amano. Donc juste pour rester sur, oui, pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros morceau ce monsieur, oui. Parce que c'est en effet, quoi, comme tu le disais, il faut aussi bien jeux vidéo que qu'animation, ouais, même. Donc quand on a quelqu'un, quand on réussit à avoir quelqu'un comme ça, on réussit à récupérer le alors ça sera un gros morceau, le Final Fantasy VII, Advent, oui, Children, la grosse sortie qui était normalement que DVD, vidéo, hein, ouais, qui est qu'en DVD, qui ne sortira pas en salle. Et on repasse, alors ça c'est plutôt bien, L'œuvre de l'ange, Tenchi no Tamago, qui est donc un film d'Oshi, de Mamoru Oshii, qui avait fait aussi, donc, préciser un petit peu, Ghost in the Shell notamment, et bien sûr la suite de Ghost in the Shell 2, et qui est un film de 82, plus... Voilà, et puis on le fait parler, on conférence, etc. Parce qu'évidemment, bien sûr, quand on a bien quelqu'un sûr comme ça, il faut. Oui, comme tout invité, bien sûr, il va être. D'abord, il mènera une conférence lui seul, donc qui sera le dimanche 12 mars, à 14h30, à l'issue de laquelle il présentera donc les images de Tenchi no Tamago. Voilà. D'accord. Donc c'est. Et qu'est-ce qu'on attend d'un grand monsieur comme ça? On attend juste qu'il. Bon, qui nous disent un petit peu son parce que c'est l'éducation, enfin c'est comment apprend-on l'animation, comment ensuite on sort avec son diplôme d'animation, qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec son diplôme, donc c'est ça on attend, ou alors c'est juste parce que c'est une telle figure que on est déjà content, moi le premier, qu'il soit là et on se dit bon il va déjà nous apporter ça, ou non on a envie qu'il amène En priorité c'est son expérience, alors c'est pas tant ses études parce que c'est un pur autodidacte. Donc ça, il n'en parlera pas. Enfin, il le dira à sa manière. Il n'a fait aucune étude. Donc ça, c'est... moi, je trouve ça absolument remarquable, doublement remarquable. Et ce qu'on veut entendre, enfin, exactement ce qu'on avait fait avec Christophe Serran, si tu veux, c'est qu'on... Ce qu'attend le public, c'est qu'on retrace son parcours. C'est-à-dire qu'on part de ses débuts, où il est commencé animateur. Donc ça, il n'en parle pas beaucoup. Il a quand même été animateur au départ. Avant de rentrer, je ne sais plus dans quel, dans les années 80, dans un studio qui s'appelle Ten Productions. Donc après, il a été designer très vite, etc., etc. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il retrace un petit peu son parcours, et puis aussi qu'il parle bien évidemment de ses collaborations avec ses grands réalisateurs, que sont, comme tu l'as cité, Mamoru Oshii, mais aussi Kawajiri. Hein, il a fait quand même tous les personnages du long métrage Vampire Hunter D. Il est en train de collaborer actuellement avec la Toei. Il y a des projets de films avec la Toei, donc c'est pas rien. Voilà, donc c'est quand même un artiste, parce que moi j'appelle comme ça, il a pas de, on peut pas dire, il est directeur artistique, mais il a d'autres fonctions. Donc c'est un artiste pour moi qui est très intéressant parce que dans la chaîne de fabrication d'un film, il représente, je trouve. Pas l'idéal, mais je trouve plein de choses qui sont complémentaires et je trouve qu'il est passionnant, pour avoir un petit peu lu sa biographie. Voilà. Bon, donc ça c'est donc c'est un vrai coup de cœur. C'est une très bonne chose. Donc on rappelle la conférence du durée de la séance, heures. Hein, il y aura 2 heures, 12 mars à 14h30, 14h30 avec donc en modérateur Dennis Friedman, producteur, et bien sûr l'inévitable, on en reparlera forcément parce que maintenant tout ce qui se passe à juste titre, évidemment. Sur l'animation japonaise en France, et forcément, il y a forcément Hélène Nguyen quelque part qui se cache derrière, qui tire les ficelles, mais de très belles manières. On l'appelle donc, notre correspondant. Voilà, on en reparlera forcément à un moment donné. C'est quoi cette rencontre? Je l'ai vue, mais j'avoue que je ne connaissais pas Michel Ancel. Donc c'est quoi cette rencontre entre les deux personnages, Michel Ancel et... Alors cette rencontre, en fait, elle est... au départ, on voulait, toujours un petit peu suite à l'édition de l'année dernière, ce qu'on avait fait un petit peu sur les métiers du jeu vidéo, on voulait faire un focus, en fait, sur deux métiers phares et complémentaires dans le jeu. Donc il y a le game designer d'un côté, et puis le character designer, donc le dessinateur de personnages. Donc le game designer, c'est celui qui travaille sur le jeu, enfin qui fait en sorte que... Oui. Voilà. Et ce sont deux métiers vraiment très, très, très importants. Il y en a bien d'autres, évidemment. Hein. Il y a tout ce qui est son, écriture, etc. Mais on s'était dit que cette année, on ferait un focus sur le game design. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit avant sur l'invitation à Mano, etc., etc., on a un petit peu rechangé les choses. Et on s'est dit que on allait donc mettre en face à face un grand game designer... donc en l'occurrence c'est Michel Ancel. Michel Ancel, il est Ubisoft en fait, hein, il est game designer chez Ubisoft. Et puis donc comme tu le sais, il vient de réaliser un succès qui est sorti en décembre, donc est King Kong, tiré du film de Peter Jackson. Ça a été là aussi une très belle rencontre entre le réalisateur et l'équipe d'Ubisoft. Une très très belle rencontre. Donc là on peut reparler à un moment donné de d'hybridation entre guillemets, à la mode. Les professionnels n'aiment pas ce terme, mais nous on aime bien l'employer quand même parce que il existe. Ça facilite les choses, on va dire. Hein. L'hybridation, pour dire rapidement, c'est le terme maintenant qu'on emploie parce que évidemment on sait plus trop quoi dire avec l'animation qui se mélange dans les images de prise de vue réelle et d'un seul coup, alors que pendant des années on était tranquille, on avait la prise de vue réelle d'un côté et l'image par image de l'autre, évidemment maintenant tout s'effondre, les frontières s'effondrent et donc évidemment on parle d'hybridation, c'est un mot un peu facile, on va dire, pour tout mélanger, mais bon, ça permet de mieux comprendre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est la création. C'est la création d'images, et quel que soit le domaine d'application, si tu veux. Et c'est vrai qu'ils ont un énorme point commun, ces deux artistes, c'est chacun d'eux commence par le même... en fait, le même point commun, c'est le dessin sur papier. Ils dessinent, tous les deux. Donc, c'est le point de départ, si tu veux, de ces deux personnalités. D'accord. Il y a, en plus... Donc de cette rencontre qui en effet sera intéressant de voir. Game designer, c'est aussi lui qui a fait. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Le Beyond Good and Evil. Voilà tout à fait. Là on sent vraiment la patte d'un bon game designer parce qu'en effet on part dans il y a l'environnement est extraordinaire. Il y a un bon choix parce qu'il y a Emma Decaune, si j'ai pas de bêtises, qui fait la voix de l'héroïne. Enfin il y a vraiment un choix, donc ça va être bien de rencontrer. Puis évidemment et puis son univers sonore aussi qui est, enfin moi je trouve qui est aussi intéressant. Et bon c'est aussi avant tout le créateur de Rayman, un jeu qui est en plus oui pour les fait, enfants oui, qui est loin d'être loin d'être nié. Je suis assez fier de le dire. C'est un très bon jeu. L'univers sonore est absolument remarquable. Les décors sont vraiment de toute beauté. Enfin, je trouve que... Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Je pense que ça va être une belle rencontre aussi. Ça sera le samedi 11 à 15h30. Voilà. Puis, il y a évidemment plein d'autres choses. Pas justement aux cartes blanches parce qu'il y a quatre cartes blanches. Et alors, il y aura Ubisoft Montreuil. On va rester sur Ubisoft. Il y aura une carte blanche... Dans le cas des cartes blanches, c'est quoi? C'est juste des gens qui vont parler? Il va y avoir beaucoup d'images? Ah oui, bien sûr. On peut s'attendre à quoi un petit peu? Au Carrefour d'Animation, c'est toujours des cartes blanches, ou même les tables rondes seront chacune illustrées d'images, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne Ubisoft, pour revenir là-dessus, donc il y a la présentation en avant-première de leur jeu qui sort la semaine d'après, je crois, le Carrefour, qui a encore un Tom Clancy, donc le fameux Tom Clancy, voilà. Donc ils vont le présenter de façon interactive en salle. Donc il y a une partie de l'équipe de développement d'Ubisoft Montreuil qui sera là. Donc ça c'est bien, qui viendra montrer le projet. Voilà. Et puis donc il y a d'autres. Alors pas le public. pas le public. On a essayé de. Enfin ils ont essayé de trouver des endroits pour poser des. Pour installer des Xbox en face qui sont des consoles pour jouer. Et puis voilà, pour des questions techniques, etc., on n'a pas pu le faire, mais bon, donc ça sera présenté en salle. Pour continuer sur les cartes blanches... Oui. Il y a Pocket Chami. C'est une société française, c'est une société de production française, mais qui est spécialisée sur le Japon. Donc c'est une petite équipe extrêmement dynamique, qui va 3-4 fois à l'année, voire plus au Japon, et qui revient avec des tas de reportages, des tas d'images. Ils travaillent aussi quelquefois avec la chaîne Game One, etc. Et ils nous montreront un petit peu le comparatif, comme on va le faire avec l'université de Tama, tu sais, les regards croisés. Là, on le fera pour le jeu vidéo. Ils nous montreront un petit peu des cas d'école, c'est le cas de le dire, d'écoles de jeux au Japon. Donc il y aura par exemple la Konami School, qui est en fait Konami School. Donc en fait c'est l'école de la société même Konami, éditeur. Donc c'est assez incroyable. Moi j'ai vu quelques images. C'est absolument c'est une espèce de tour d'ivoire en plein Tokyo où en fait ils ont en bas c'est toute l'école. Et au-dessus, en fait, ils n'ont plus qu'à la fin de leurs études à monter l'étage pour accéder au studio de développement. Donc, c'est absolument incroyable. Ils restent dans le même studio. Donc, c'est un cas, mais il y en aura d'autres. Leur vie. Et ils arrivent au dernier étage pour y mourir. Non, genre. Non. Donc, non. Nous avons ensuite, donc, Pocket Jamie, ça c'est bien. Alors, on va finir par l'Université de Beaux-Arts de Tama, parce que vraiment, chose extraordinaire dedans. L'ICAF. Alors, l'ICAF. La dernière carte blanche. Mm-hmm, donc, vendredi 10 mars à 14h. Donc, l'ICAF, c'est lié au deuxième invité japonais, qui est M. Katayama Masahiro, qui est donc membre de l'Intercollège Animation Festival, qui est en fait l'équivalent du Carrefour Animation. D'accord. Hein, puisque chaque année, il se regroupe à Tokyo pendant, je crois, deux à trois jours. Et il y a comme ça toutes les écoles qui présentent leurs travaux. Exactement, en fait. Donc c'est assez drôle, cette espèce de rencontre là. Rencontre entre les deux carrefours de l'animation. Ah oui, c'est drôle. D'ailleurs, il y a une carte blanche Carrefour l'animation. Donc on a fait un programme de 2 heures de films de fin d'études d'école française, allant de 2004, 2005 et 2006, qui sera projeté le 11 mars à Tokyo. Donc pendant que nous serons, nous, à la Cité des Sciences, au Carrefour l'animation, la projection donc du Carrefour sera faite à Tokyo. Et le mois suivant, donc ça c'est une nouvelle qui n'est pas dans le programme parce que c'est fraîchement arrivé, une deuxième projection sera faite cette fois-ci à Kyoto au mois d'avril. Voilà. Donc Monsieur Katayama est membre de l'ICAF. Il est aussi professeur à l'université de Tama. Ouais, donc ça, c'est très et important. C'est aussi un scénariste. Il est membre de la Japan Animation Association. Donc il a énormément de casquettes et c'est un personnage qui viendra aussi là, aussi qui se retrouvera dans les tables rondes, hein, on le retrouvera dans les tables rondes, où il sera question de croiser un petit peu les regards sur les perspectives de l'enseignement en cinéma-animation. Donc il sera avec des responsables d'écoles françaises. Et puis il y aura aussi une japonaise, soit une franco-japonaise, qui est une réalisatrice, qui sera là aussi pour parler un petit peu de son point de vue, de son travail qu'elle fait en France, mais aussi avec le Japon. Ça sera le samedi 11 mars voilà. À 10h, c'est ça. Hein. Voilà. Donc à 10h, et ça sera donc perspective d'enseignement du cinéma d'animation, regard croisé, mm-hmm. France-Japon. Voilà. D'accord, avec en effet plein de... Voilà, plein d'intervenants, donc principalement, là, effectivement, des responsables d'écoles françaises, et bien sûr, M. Katayama, pour un petit peu échanger les points de vue. Donc, M. Katayama, je te coupe, mais parce qu'en effet, moi c'était l'un de mes grands chocs. J'aurais voulu, malheureusement, j'ai fait une interview qui n'était pas assez bonne pour la passer aujourd'hui, puisque au départ, c'était pour un papier qui est paru dans un journal, et c'était le démon qui est passé cette année au Festival d'Annecy, dans la compétition étudiante, qui est un film absolument mais merveilleux, et... C'est purement japonais, c'est-à-dire c'est fait en marionnette, c'est un homme qui veut débarrasser un village d'un démon, et en fait, en tuant le démon, il devient lui-même le démon, et ça lui a pris 6 mois à faire, en travaillant toute la journée, enfin c'est un travail extraordinaire. Donc, ouais. Je vois une petite photo, donc j'espère qu'on le verra effet. Et oui. Donc il y aura... Donc il y a un programme de film, donc... De l'université, parce que il y a deux programmes en fait. Hein. On était sur l'ICAF, donc l'Intercollège Animation Festival, qui là va être un programme de films d'école, hein, un petit peu comme nos programmes à nous. Écoles, voilà. Et puis un autre programme qui sera là cette fois-ci uniquement sur l'université de Tama. Hein. Donc un autre jour, et bien ça sera le dimanche 12 mars, si je ne me trompe pas. Tout à fait, à 11h. 12 mars à 11h30, parce qu'en 11h30, fait, il va falloir être. Marathonien. Ah, c'est, hein, tu sais, on ne sait pas faire. Non, parce que là, c'est. Ce qui est bien, parce que petite critique, c'est qu'en fait, évidemment, c'est énorme de parler de toutes ces écoles. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était sur une journée. Oui. Et on commençait le matin à 10h au forum, on finissait le soir à 11h, absolument exténué, après avoir vu, parce qu'en plus, l'animation, évidemment, c'est des petits films, c'est pas des films qui sont qui font une heure à chaque fois, donc vous finissiez lessivé après avoir dit, il y a des choses vraiment bien que j'ai vues, et ne sachant plus tellement, donc là sur 3 jours on va être seulement sur 3 jours, pour rebondir à ce que tu disais sur la densité etc, mais la densité elle va être aussi sur les films d'école. Je t'explique, jusqu'à présent on faisait ce qu'on appelait des panoramas, des films d'accord. Donc c'était une sélection qu'on demandait aux écoles d'environ 10 minutes, 10 à 15 minutes par école. Très frustrant. Donc c'était très frustrant parce que ça correspondait en gros à 2 voire 3 films maximum par école. Donc cette année, on a changé radicalement. Les panoramas de films de fin d'études s'appellent les instantanés. Et dans ces instantanés, on n'aura pas uniquement une seule école, mais, je dis n'importe quoi, mais c'est pas si faux que ça, par exemple 10 écoles, donc 10 films, donc des programmes d'une heure, il y en aura 7, et ça sera vraiment un florilège de films de fin d'études des écoles participantes. Donc c'est vraiment, ça se présente plus comme un programme de films, si tu veux, qu'un programme simplement de telle ou telle école. Alors, en revanche, chaque autre nouveauté, chaque programme instantané sera précédé d'une présentation par un ancien étudiant et son responsable pédagogique. Présentation qui va se faire sous forme d'un making-of, c'est-à-dire que le film qui sera montré dans l'instantané A, par exemple, sera expliqué donc en public avant la projection, donc ils ont chacun 30 minutes pour présenter leur projet de fin d'études, leur méthode d'enseignement, pourquoi cette formation et quel est le devenir un petit peu de cet ancien étudiant qui depuis juin a dû faire quand même un petit bout de chemin. Ça, c'est très très intéressant. Donc ça c'est une nouveauté, on y tenait beaucoup parce que on se disait que les jeunes créateurs n'avaient pas souvent la parole ou très peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, alors, on va réussir à le faire et c'est très bien. C'est parfait. Alors, évidemment, comme toujours, la technique m'en veut. Nicolas m'a fait passer un petit mot comme quoi certains des morceaux que j'avais ne marchent pas. J'en suis absolument désolé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à ce qui était prévu en sixième, normalement. Donc, Trees Migration. J'espère qu'on le verra. C'est un très beau film. C'est un film de John Allery. De l'M6, si je dis pas de bêtises, ou l'M4, je confonds toujours les deux. Je vais retrouver ça et je vous dis ça juste après. Elle avait déjà fait Under the Stone, qui est un très très joli film. C'est une musique de Meredith Monk et j'espère que ça marche. On écoute ça, ça dure environ 2 minutes. Donc, c'était Transmigration, un très très beau film de Johan Aluri, qui est, évidemment, j'avais dit, puis on essayait de régler ces problèmes, ces petits problèmes qu'on a toujours avec les MP3, les MD, toutes ces choses-là. Et donc, je vais vous dire absolument dans 2 secondes, elle n'est pas à l'MK, donc ça veut dire qu'elle est à l'MC. L'MC, elle était à l'MK, en 2005. Et donc là, elle est à l'MC. L'MC, c'est quoi? Alors, l'MC, c'est la sœur de l'MK, en fait. Ah, L'MK, c'est l'école des métiers du cinéma d'animation à Angoulême. Et juste à côté, il y a l'MC, donc l'école des métiers de la création infographie. Voilà. D'accord? Donc là, on y fait de la 3D. Alors qu'à l'MK, on y ce n'est que de la 2D. Hein. Alors, vous pouvez regarder, voir ça sur angoulême.cci.fr. Et après, vous vous laissez guider. Vous avez moment donné le site de l'MC et le site de l'MK. Alors, évidemment, nos invités sont toujours curieux. Et donc, pendant la pause musicale, Frédéric avait une question à poser à Sylvie qui était suffisamment pertinente pour qu'en effet on se décide de la poser hors, pendant le champ d'émission. Donc on écoute Frédéric. Vas-y, merci. Non, je t'en prie. Non, je voulais juste savoir en fait comment était né ce projet du Carrefour d'animation au Forum des Images. Alors le Carrefour d'animation est né d'une très belle rencontre, parce que je suis assez fière de le dire d'ailleurs. C'est vraiment une rencontre entre la jeune création d'un côté et le cinéma d'animation de l'autre. Je m'explique. Ce sont deux axes forts que développe le Forum des Images depuis des années. D'un côté, la jeune création, qui s'est illustrée avec un certain nombre de rendez-vous que l'on organisait comme ça tous les deux ou trois mois, où en fait un espace de diffusion était consacré à la jeune création, donc les réalisateurs amateurs et semi-professionnels. Donc il y avait ça d'un côté. Et de l'autre côté, donc l'animation, qui a toujours été présente au Forum des Images. En fait, si on prend un petit historique, il y a des films déjà qui sont intégrés dans la collection du Forum des Images, parce qu'au Forum des Images, on a une collection de films qui sont jusqu'à présent principalement sur Paris et sur sa périphérie, mais qui va être étendue à la réouverture en 2007. Donc il y a un fonds constitué d'images animées. Et puis il y a eu, bien évidemment, depuis 1999, le Festival Nouvelles Images du Japon, qui a été un gros temps fort de développement autour du cinéma d'animation, en particulier japonais. À la suite de ça, s'est créé les rendez-vous mensuels de l'animation, qui faisaient chaque année une invitation à un réalisateur ou un hommage, etc. Donc en présence de la personnalité, puis une carte blanche à cette personne, donc un rendez-vous mensuel. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'il manquait quelque chose, il manquait le troisième axe, qui était les formations au cinéma d'animation. Donc la rencontre jeune création, le cinéma d'animation, a donné naissance, en fait, si je puis dire, au Carrefour d'animation. Voilà, depuis donc 2004. Non, mais c'était pas une erreur, puisqu'en effet, l'animation était d'autant meilleure qu'en effet, c'était pas une erreur, puisqu'on en est à la quatrième édition. C'est vrai que de plus en plus. Alors moi j'ai une question, c'est on va en arriver à chose d'important, c'est les écoles participantes. Est-ce que je n'ai pas bien fait mon travail, j'aurais dû le faire mieux que ça. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a moins d'écoles qu'au début? Ou est-ce que c'est moi qui il y a moins d'écoles? Ah non, il y en a plus. Il y en a plus? Oui, il y en a pas moins qu'il y a 2 ans ou 3 ans? Non, il n'y a pas eu un petit peu... Il y a eu un changement. Une école qui a participé en 2004 qui ne participe plus. D'accord. Mais sinon, non, parce que la première édition, on avait 12 participants, pas de... Et là, on en est à 18. Je viens de décompter. Oui, en fait, tu sais pourquoi je compte 19? Parce que pour moi, il y a 2 Supinfocom. Il y a Valenciennes, puis il y a Arles. Il y a Supinfocom, Arles, là, ils donc sont mis dans le même... Ce sont évidemment la même entité, mais ce sont 2 sites différents, et donc 2 productions différentes. Quoique... Non, mais je veux dire 2 productions en termes de, tu vois, donc 2 groupes d'étudiants. Et au niveau purement artistique. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse là, je vais pas vous mentir, la technique m'a un tout petit peu trahi. Je vous l'ai déjà dit un petit peu comme avant. Je voulais qu'on passe ce qu'on ne passera pas, mais je vous promets, j'inviterai la réalisatrice parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Je voulais vous passer la bande-son d'un film qui s'appelle Ceux du Bocal, qui est à mon avis l'une des meilleures écoles d'animation du monde. J'ai souvent dit à ce micro, je leur dirais, et J'inviterai un jour Georges Sifianos et tous les gens qui font un travail extraordinaire. Donc c'est l'ENSAD, bien sûr, l'École nationale, super des arts décoratifs. Mon premier bulle de rêve, allez, je fais un petit retour en arrière, était avec quatre anciens membres de l'ENSAD, puisque j'avais Arthur de Pince qui a fait la révolution des crabes, j'avais Jérémy Clapin qui a fait une histoire vertébrale, Sébastien Lodenbach qui a fait des câlins dans la cuisine, notamment, et la petite dernière, Valérie Pirsan, qui a fait pistache, qui est maintenant, on l'a reçue il y a très longtemps, parce qu'elle avait eu trois prix à Auch, et qui maintenant, encore il y a deux semaines ou trois semaines, a eu un prix au Festival d'Angers. Dans les prix, dans les festivals hors animation. Donc ça c'est l'ENSAD, et je voulais vous faire écouter un film qui s'appelle Ceux du bocal, qui j'espère on aura peut-être l'occasion de le voir lors du carrefour de l'animation, donc, mi-mars. On ne pourra pas l'écouter, donc ça sera pour une prochaine fois. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter un petit peu, on va faire passer un petit peu de musique. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis monomaniaque, donc quand j'aime, j'écoute que ça. Donc, il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, la musique, ça va être, il n'y aura rien d'animation, ça va être que l'Arctic Monkeys. Je vais vous passer que ça. Et donc, le deuxième morceau qu'on écoute des Arctic Monkeys, sur toujours cet album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, on va écouter I Bet You Look Good on the Dance Floor, qui est le morceau numéro 2. On écoute. Et oui, c'est ce genre de bulle de rêve, un bulle de rêve dynamisé par les Arctic Monkeys aujourd'hui. Whatever people say I am, that's what I'm not. J'aime bien ce titre, je vais vous le répéter souvent. Whatever people say I am, hein, tout ce que les gens disent que je suis, ce que les gens disent que je suis, c'est pas facile à trouver en français. That's what I'm not, c'est ce que je ne suis pas. Se méfier des apparences. Et donc c'était I bet you look good on the dance floor. Je parie que tu as l'air très bien, que superbe sur la piste à danser. Je traduis bien en anglais, c'est parfait. Toujours Bulle de rêve, donc l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. On reçoit aujourd'hui donc Sylvie Porte qui nous parle du carrefour de l'animation. Et un tout petit peu après, Frédéric va nous parler, on vous en reparlera du semaine du cinéma hongrois. On va faire un petit quelque chose. Donc comme je disais, il y aura un petit peu moins de son, puisque malheureusement, il y a 2-3 morceaux qui ne marchent pas. J'aimerais qu'on fasse quelque chose que j'ai toujours voulu faire et qu'on fera sûrement à Bulle de rêve un jour, c'est voir un petit peu ce qu'il y a comme école d'animation en France. Et entre Sylvie et moi, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire sur telle ou telle école. Encore une fois, pas au niveau qualitatif. Après, on aime, il y a des choses qu'on va préférer. Juste voir un petit peu si on va dans telle école, ce qu'on a une chance de faire par la suite, etc. Je pense que c'est aussi en ça que le Carrefour est intéressant, c'est-à-dire que n'hésitez pas à venir, les étudiants peuvent venir et d'un seul coup, un peu aller, c'est un petit peu le salon de l'étudiant de l'animation, à savoir se dire d'un seul coup, je ne sais pas trop où aller, j'ai telle envie, et finalement je vais aller vers telle ou telle école. Donc on va prendre tout simplement la brochure, on va aller dans le sens de la brochure. Donc on commence par l'école Émile Kohl qui est à Lyon. Alors l'école Émile Kohl, comment on pourrait la décrire? C'est très très artistique aussi, c'est un peu entre les... Oui, c'est très... très auteur. Très auteur, très illustrateur, beaucoup beaucoup de dessins, donc ça c'est assez chouette. Et puis y a quand même pas mal de réalisateurs, notamment pour les derniers qu'on connaît là, qui sont sortis, donc Cédric Babouche, des gens comme ça... On peut dire que, est-ce qu'on pourrait dire juste, allez, on va faire des facilités aujourd'hui que j'aime pas normalement faire, je trouve que les journalistes en font trop, mais on va essayer de faire des croisements. Émile Kohl, c'est un peu comme si l'Ensad rencontrait les gobelins, à savoir, il y a le côté technique des gobelins, en dessin, c'est vraiment, on sent qu'ils savent, c'est vrai que Babouche en est l'exemple parfait. Et quand même si j'aime pas trop le dernier Cédric Babouche, j'aimais bien celui d'avant, j'aime moins celui le dernier, comme beaucoup de gens malheureusement, mais ça reste quand même quelqu'un de vraiment intéressant. Et l'auteur, c'est-à-dire la personne qui vient et qui est seule, en plus, ils font leur film seul, ça on le dira, il y a certaines écoles où les étudiants font à deux ou trois, et certains où ils font seuls. Émile Kohl, ils font tout seul. Cette année, il y a deux beaux films, moi, que j'ai vus au Imagicien, qui sont Le Moulin de Florian Touret et Métro de Jean-Baptiste Nathalie Ginoux, et je suis absolument compte, puisque le moulin participera, comme tu le sais, c'est le grand prix quand même du concours international de projet d'Annecy 2005. Cette année 3. Je veux bien dire un mot là-dessus quand même sur le tremplin. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le Carrefour et une de ses missions qui va devenir, je l'espère, régulière. En 2005, on avait accueilli les étudiants de l'école d'Orly pour la larve et le orang-outan. Je ne sais pas si tu en souviens. Et donc, ils avaient gagné un prix l'année précédente, donc en 2004, au concours international de projet. Donc, ce concours international de projet qui a lieu chaque année dans le cadre du Festival d'Annecy permet d'avoir, s'ils gagnent un prix, d'avoir soit une somme d'argent ou une aide, etc., etc., pour finaliser soit leur film, s'il a déjà été commencé, ou pour le faire dans son intégralité. Et ce qui fait que le Festival d'Annecy ayant lieu en juin, le Carrefour Animation ayant lieu au mois de mars l'année suivante, ils ont suffisamment de temps pour terminer leur projet, et du coup, le Carrefour Animation leur sert un petit peu de tremplin, et ça, moi, j'en suis très, très heureuse, pour montrer leur projet finalisé. Tu vois, donc là aussi, il y a un lien intéressant. On va faire exactement la même chose avec Florian Touré, pour son film Le Moulin, dont il a reçu, c'était la bourse, je crois, Métropole d'Amiens, je crois, oui, le prix Métropole d'Amiens, l'année dernière. Ouais. Et donc, il expliquera, lui aussi, il fera une présentation avant un instantané, comment tout ça fonctionne, etc. Très important, c'est Le film. On s'arrête, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai. Il faut s'arrêter de 2 minutes, ce concours international, le projet. Oui, c'est quelque chose oui. qui a été monté il y a quelques années. Et il y a eu une dérive à un moment donné qui visiblement va s'arrêter cette année, d'après ce que j'ai d'après les informations qu'on filtrait. C'est qu'il y a eu une dérive, c'est que le concours international de projet avait été créé pour les étudiants et les réalisateurs sans production pour présenter un film et le montrer un petit peu à droite à gauche. Ces dernières années, il y a eu malheureusement certains studios et certaines productions qui se sont lancées aussi dans le concours international pour présenter hors MIFA. Ils n'avaient plus besoin de payer en fait le MIFA, et s'ils étaient acceptés, alors c'est un petit peu risqué, mais s'ils étaient acceptés au concours international de projet, avaient leur projet qui était montré. Donc voilà. Et visiblement cette année, alors qu'au départ c'était pas vraiment dans le règlement, c'était vraiment quelque chose de précis, c'était pour des gens qui n'avaient pas de production. Et donc, ce qui est important, c'est que cette année, visiblement, ils ont resserré un petit peu les boulons. Et donc, on va avoir de nouveau ces étudiants, ces réalisateurs qui ne savent pas forcément où aller et qui ont, alors même des réalisateurs confirmés, mais et même sur une production, mais une production c'est bien aujourd'hui, ça suffit pas. Je prends l'exemple de Franck Dion qui a fait l'Inventaire fantôme, qui est quelqu'un qui est déjà venu ici, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a un prochain projet qui s'appelle Monsieur Coq, quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai qu'il a besoin aussi, quelqu'un un peu confirmé comme ça, besoin de ce concours international de projet. Mm-hmm. Et je crois que c'est important mm-hmm. aussi de le resserrer et de le recadrer dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des gens quand même qui en ont besoin. Bien réellement. Sûr, bien sûr. Donc ça, c'est important. Comme, Et puis pour revenir à ce que tu dis tout à l'heure sur un sujet parmi les, d'autres qui seront traités, qui sera traité pendant le Carrefour Animation, c'est comment les films de fin d'études servent un petit peu de tremplin au passage dans le monde de la profession, c'est-à-dire au passage dans un studio de production, etc. Et pour reprendre le cas de Cédric Babouche pour Imago, qui est son film donc professionnel, entre guillemets, le tremplin a quand même été La Routine, son film La Routine, qu'il a fait, qui est magnifique, dans le cadre de ses études à l'école Émile Cole. Donc, après, on aime, on n'aime pas, mais il ne faut pas rentrer là-dedans, et puis c'est surtout pas l'objectif du Carrefour, et c'est pas du tout notre état d'esprit. C'est, ce qui est intéressant, c'est à quel moment ils se servent, ou à quel moment ils peuvent se passer le cap, et avec quel projet ils peuvent passer le cap. Et c'est vrai qu'il a eu la chance, enfin, il a quand même bossé pour ça, hein, donc ça c'est bien. Voilà, c'est comme, à quoi ça sert un petit peu de laboratoire pour passer les écoles aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on passe beaucoup de temps sur le Carrefour de l'animation. À chaque fois, je passe beaucoup de temps aussi sur tout ce qui est programme étudiant. J'étais l'un des premiers à ne pas aller au programme étudiant à Annecy. C'est souvent à 23h, on se dit oh là là, on a vu beaucoup de choses et on les évite. Maintenant, je préfère louper même une séance de sélection officielle, vraiment pour voir les étudiants, parce qu'en effet, c'est le seul moment où, malheureusement, aujourd'hui, l'animation, c'est un peu ça. C'est de plus en plus à la mode, de plus en plus de gens viennent le voir, mais des longs métrages et les courts métrages sont de plus en plus difficiles. Et c'est vrai que lors des études, c'est le moment où ils sont tranquilles. Mmh. Ils ont un an, voire deux ans pour faire tranquillement un court-métrage et c'est leur carte de visite. On a Lisa. Lisa avec son leader. Alors, Lisa, charismatique, son directeur charismatique, Lisa. Franck Petitat qui est déjà venu aussi ici, qui est vraiment quelqu'un qui est au courant beaucoup. Oui, absolument. Lisa, c'est intéressant. Je te laisse parler donc de Lisa. Alors Lisa, déjà la rencontre avec Lisa est passionnante parce que Lisa... Avant le et Franck te le dira, il l'a dit dernièrement au dernier Carrefour, était peu connu, voire mal connu et presque, je vais pas dire méprisé, mais avant la première édition du Carrefour en fait, très curieusement. Nous on est allé chercher, tu sais, avec Olivier Catrin de l'AFCA, on est allé chercher Franck à l'époque de, je crois que c'était Nouvelles Images du Japon, à l'époque on voulait faire une masterclass qu'avec les écoles. Bon, ça s'est pas fait pour X raisons, parce que c'était très compliqué, etc. Et donc on est allé chercher l'ESA, donc ça fait quand même un paquet d'années. Ils sont vraiment sortis de leur cloche, en fait, de dessous de leur cloche, au moment du premier Carrefour, c'est assez curieux. Et depuis, il a fait un chemin, je parle de Franck parce qu'il est directeur de l'école, donc c'est l'école européenne supérieure d'animation à Orly, qui est, à Orly, voilà, qui se passe, qui est dans un superbe site, qui est le château Georges Méliès, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quelqu'un qui a monté son école comme ça, tout seul, quoi, je veux dire, sans subvention particulière, donc effectivement c'est une école privée, donc ça a un coût, une école privée. Mais je vois pas pourquoi on jetterait la pierre à une école privée, on en parle à un plus petit peu qu'une autre, après, etc. Entre privé et public, ça, je voulais en parler justement. Voilà, donc l'ESA, donc ce sont eux cette année qui font la bande-annonce du Carrefour Animation. Alors l'année dernière c'était l'EMK d'Angoulême. L'année d'avant c'était l'école Émile Cole. Et la première année c'était Gobelin. Ah, il n'y a pas la Poudrière. Pas encore. Pas fait encore, c'est dommage. Oui, mais enfin, c'est la quatrième édition, il y a 18 participants. Donc c'est l'ESA. Donc c'est l'ESA. Et d'ailleurs, ce que tu vois en première de couverture, c'est une image. Parce qu'en fait... Il faut la décrire, on est à la radio. Voilà, il faut la décrire. Donc c'est un, pour être très, très précise, c'est une mosaïque d'images qui représente en fait une scène, donc découpée image par image. Donc là, on est vraiment dans le cinéma animation. Dans un projet qui a été fait par les étudiants. Alors pour la première fois quand même, ça c'est quand même intéressant de le signaler, c'est que les années précédentes c'était fait par les deuxième voire troisième année, pour Émile Cole c'était troisième année, mais en général ce sont les étudiants de deuxième année. Et là pour la première fois c'est toute une classe de première année, donc ils ont fait un boulot extraordinaire, considérable, ils ont bossé parfois la nuit, pour faire une bande d'annonce de 30 secondes qui illustre le carrefour animation avec des thèmes qu'on leur a donnés. C'est-à-dire que dedans, il y a le Japon, les regards croisés, la cité des sciences, le fait que le forum soit à Paris, hors les murs, etc. Donc tout y est, tu verras, c'est absolument génial. Et donc l'image qui est déclinée sur les éléments de communication du carrefour, donc le programme, l'affiche, etc., etc., les annonces presse, etc., c'est un visuel qui est tiré de la bande annonce. Et pour que les gens comprennent mieux qu'on parle de cinéma animation, ils ont décidé de le découper en 9 images, là, pour le coup. Voilà ce qui représente l'animation. Alors, les ânes, de mon côté, j'ai vu, en attendant la bande-annonce, il y a deux films surtout que moi j'aime beaucoup, que je trouve intéressants. Les ânes, pour vous dire, c'est assez étonnant. C'est vraiment très jeune au niveau des films qu'ils font. C'est très. C'est très dynamique, tu vois, on va écouter l'Arctic Monkeys. C'est ça, c'est le film. Y a un film que j'aime pas forcément, hein, mais qui à mon avis veut tout dire par rapport à ce qui se fait à l'ESA. C'est Super Moine, c'est un moine ninja, il rentre. Et c'est vrai que c'est énormément, ils sont très jeunes et ça booste bien, comme on dit. Et c'est intéressant, c'est vraiment. Pas mal d'images de synthèse. Tu vas être surpris, enfin j'espère que tu seras agréablement surpris de la production de cette année. Alors. Moi, ce que j'ai vu cette année, incroyablement différente, change de plus en plus, notamment avec un film qui s'appelle Le Papillon d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. D'ailleurs, je suis désolé, Zhang Ziyi. Oui, là, je sais pas, je peux pas te dire. Je ne sais pas non plus. Il y a deux films qui m'ont intéressé. Une de Perdu, qui est un film assez drôle, qui est très proche. Alors, c'est réalisé par trois réalisateurs cette fois-ci: Patrick Siboni, Alexandre Sautier, Alexandre Albala. C'est que des productions qui est très double ou triple. Proche hein, de, oui, qui est très. Collective. Très très proche du Seigneur des Anneaux, avec un personnage un peu monstrueux, enfin petit. Et surtout Vamps, un film très drôle d'Adrien Berbier, Latan Lam et Adrien Anstey. Il y a beaucoup d'hommes à l'ESA. Vamps, c'est un film très drôle avec un frère et une sœur qui sont vampires et ils essayent de se détruire l'un l'autre avec de l'ail, enfin avec tout ce qu'il fait. C'est assez drôle, c'est un petit peu décalé, c'est assez drôle. Donc c'est à suivre les ans en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une école en plus qui est assez jeune, qui a été fait, comme tu l'as dit, un peu comme ça, c'est sorti de nulle part. Il porte un peu tout seul. Quoi, et donc c'est vraiment intéressant. On passe aux sœurs jumelles. D'Angoulême, l'MK et l'MC. Alors donc là, on change un peu de registre. Donc là, ce sont deux écoles de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angoulême, au même titre que Gobelin, l'école de l'image, et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Supinfocom et Supinfogame sont Chambre de Commerce et d'Industrie du Valenciennois. Ce sont des écoles... jeune aussi, là, l'MK et l'MC. Hein, l'MC encore plus, je crois, que l'MK. Ouais. Je me semble qu'elle a été ouverte un an après. Pour parler de l'MK, c'est vraiment une école qui laisse le champ libre aux étudiants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette contrainte... il y a d'autres écoles comme ça, mais ils n'ont pas cette contrainte de réalisation, super production à la fin de leurs études. Les étudiants ont vraiment l'esprit libre pour réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je les ai vus. Hein, j'ai visité l'école. Je suis passé derrière les uns et les autres. C'est absolument incroyable, quoi. Ils sont zen, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas l'air stressés. Il n'y a pas de compétition, tu vois, comme dans certaines écoles. D'ailleurs, celle-ci curieusement ne participe pas au Carrefour. Enfin, ce sont pas. Donc, c'est vraiment une approche qui est très intéressante, qui est passionnante. Ils sont très très bien encadrés également. Et il y a, depuis en tout cas qu'on fait le Carrefour, chaque année une production très variée, très. Je veux dire, on sent une liberté dans ce qu'on voit, c'est. Ça fait plaisir, quoi. Mmh. Moi j'ai une faiblesse pour la MK par rapport même à l'MC. Est-ce que... Oui, mais je pense que tu as une faiblesse, toi, pour le cinéma d'animation et pas pour l'animation 3D. Pas forcément. Il y a des très bonnes choses à l'MC. Il y a beaucoup plus de choses surtout. L'MC, moi j'ai vu, je reviens sur les images ici, parce que c'est là où j'ai vu vraiment beaucoup de choses. L'MK finalement a montré 5 films. C'est vrai qu'il y en a 3 que j'ai trouvé vraiment intéressants, qui sont Le Soupir, La Couturière et Chemin de Neige. C'est des films qui sont réalisés en effet par une seule personne, l'MC aussi d'ailleurs, et l'MC on sent en effet c'est plus compliqué. Alors Transmigration, comme par hasard, qui est l'un de mes préférés. Tu l'as dit tout à l'heure, John Ellery vient déjà de l'MK et donc passe à l'MC oui, par la oui. suite. Et oui, l'année dernière, tu avais The Hell Kitchen, par exemple, qui était aussi brillant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y a eu aussi. Il y a eu Cocktail Foot. Enfin, c'était, je trouve, très intelligent, rigolo. Vraiment, ça se tenait bien, quoi. Donc, il y a. Non, il y a. Encore une fois, c'est une jeune école aussi. Hein, donc, on ne peut pas. Oui, non. Moi, j'ai envie de dire. Je ne t'ai pas fait. Il y a un bon encadrement, il y a des bonnes choses. C'est à nous de les soutenir aussi, quoi. Donc, surveillons, pour moi, l'MK plutôt que l'MC, mais de toute façon, faut bien évidemment voir les deux. Mm. On passe, alors, c'est normal, encore. Angoulême, décidément, ils sont. Oui, tu sais, il y a un polymage important, Angoulême. Polymage, voilà, donc avec. L'Engmin. National du jeu et des médias interactifs numériques, en effet prononcé CNAM Engmin. Oui, parce qu'en fait, c'est une entité, enfin, ceci étant, je crois qu'on on a fait une petite erreur. Hein, c'est plutôt CNBD Engmin, mais je crois que depuis cette année, en fait, ils sont Engmin à part entière. Donc, c'est la première école en France qui est une école nationale, hein, puisqu'elle a été inaugurée. Officiellement, enfin, elle a été créée en fait, je crois, sous l'impulsion de Jean-Pierre Raffarin, hein, à l'époque où il était, sur la Poitou-Charentes. Voilà, comme donc, quoi, il c'est a fait quand l'école même nationale. Ce monsieur. Et donc, nous, on les accueille en fait depuis réellement l'année dernière, puisqu'en fait, ils présentent des prototypes de. Hein, ce qu'on appelle. On appelle bien des prototypes pour les jeux vidéo. On n'appelle pas des jeux de vidéo. Ce sont bien des prototypes. Et puis, l'Engmin, il faut savoir aussi qu'ils ont réintégré le fameux laboratoire d'imagerie numérique d'Angoulême, le LIN, hein, qui avait une production de films chaque année. C'est l'année dernière, remarquable. C'est ça, ont... Alors, oui, c'est. Il y a deux ans. C'est on a arrêté. Je crois que la dernière diffusion, c'était l'année dernière, je crois. C'est ça, hein, ouais, les derniers films, on les a passés l'année dernière. C'était assez triste d'ailleurs, mais bon, là, c'est comme ça. Donc, ils ont intégré l'Engmin. Donc là, on aura des. Et donc, son directeur, donc le directeur de l'Engmin, en fait, il est plus que directeur pédagogique, c'est Stéphane Natkin, qui est un grand monsieur, hein, quelqu'un qui est aussi, par ailleurs, au CNAM, donc qui. Voilà, qui connaît très très bien ce domaine, etc., qui sera aussi associé à une table ronde autour des métiers du jeu vidéo. Ouais, donc ça, c'est l'école nationale plus jeu vidéo du jeu et des médias interactifs numériques. Voilà. J'ai pas dit, c'est un petit peu long, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous donnerai une adresse après, qui est très intéressante pour toutes ces adresses. Je pense qu'il y aura le site du Forum des images, et puis il y a un autre site, celui des Foodanim, dont j'ai souvent parlé ici. Bernard Gabillon, de l'ESAT. Qui ont un trait, et puis qui ont un petit dossier à un moment donné, je vous en reparlerai à la fin de notre petit tour d'horizon. Ensuite, on passe à MAF, mon école favorite. J'arrête de vous le dire. On n'a pas le droit à la radio de faire du favoritisme. Et je vais laisser. Moi, j'en fais. Il y a intérêt que j'en fasse. Donc, l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, avec un encadrement absolument incroyable de professeurs. Vraiment, c'est une école très intéressante et avec aussi le. Sa petite sœur, hein, A2I, voilà, vous allez voir peut-être cette d'ailleurs, année, d'ailleurs, qui est née avant, enfin, c'est sa grande sœur même. C'est vrai que, ah bah oui, A2I, après, a été ouverte. A été ouverte avant. Pierre Hénon pourra te le confirmer, mais oui, oui. Donc, voilà, mais qui, on va dire, là, moi, je trouve... Mais là, c'est l'image de synthèse. Et, voilà, et avec notamment un petit génie, vous allez voir normalement cette année, un film qui s'appelle Calitopolis, avec une souris qui de laboratoire. Vous allez voir un film très très drôle, j'espère qu'il passera. Mais assez de favoritisme en effet, Sylvie, je te laisse parler de l'ENSAD. Mais moi j'aime beaucoup l'ENSAD. Enfin, on ne peut pas imaginer un Carrefour sans la présence de l'ENSAD. Quoi. C'est absolument incroyable. Enfin, c'est pas envisageable. D'autant que Georges Chifiano, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis aussi longtemps. Il a été l'un des précurseurs avec lequel j'ai parlé du démarrage du Carrefour. Donc c'est vraiment une espèce de complicité avec Georges Chifiano, ça. Ah, il y a Jean-Christophe. Il y a Jean-Christophe Levé aussi, qui s'occupait. Il s'occupait chaque année des rencontres étudiants au Carrefour, Jean-Christophe. Hein. D'accord. Ouais, donc là, il ne le fera pas cette année parce qu'on est à la Cité des Sciences et que la configuration est différente. Mais j'espère qu'il reviendra en 2007 quand on réintégrera nos murs. Alors cette année, il y a plein de choses à voir. Bon, ça, c'était l'année dernière, c'est toujours un petit peu particulier. On avait vu le pistache l'année dernière, Tango sursis, etc. Cette année, moi, je vous en donnerai trois de mes favoris, je ne sais pas s'ils passeront, mais c'est Sinistra d'Extra de Marion Arbona, un film absolument magnifique, très étonnant, très, avec déjà une très forte personnalité sur un marionnettiste qui, dont la main droite vit tout seul, et il va passer par plusieurs caps, se demandant même s'il ne va pas se couper la main, etc. C'est d'une force, déjà une intelligence, avec une musique absolument étonnante. Un film qui s'appelle Walking d'Alex Bale. Alors Walking, c'est sur du free jazz, et c'est comme son nom l'indique, on marche un peu, et c'est très expérimental. Et malheureusement, ce que je voulais vous passer, ceux du bocal de Stéphanie Cazantre, Stéphanie, je suis persuadé, j'arriverai à avoir une interview et je vous la passerai ici, parce que c'est un film très drôle, qui ressemble à beaucoup de choses très fortes qu'on a déjà vues à l'ENSAD. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait continuer. Alors, le problème de l'ENSAD, comme beaucoup de ces écoles, c'est évidemment le devenir de ces réalisateurs, en fait, après la sortie, parce qu'on c'est évidemment des vrais auteurs. On peut citer quand même quelques noms. Alors, on peut citer des noms qui, en effet, ont réussi à passer outre ce problème de l'auteur. Et en effet, j'en ai cité quelques-uns, et pas des moindres. Florence Miaille. Il y a des grands noms, mais même récemment. Marouane Chaban. Et c'est vrai que c'était Arthur de Pince. Nicolas Bélanger. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup d'autres. Vous l'aurez compris. Sandra Desmazières. On arrête. Il y en aurait plein. La liste est longue. La liste est très longue. C'est ça qui est... La seule chose, c'est vrai que la seule difficulté qu'ils ont, c'est vrai, c'est qu'ils ont tellement de liberté, on va dire, à l'intérieur même de l'ENSAD, que se retrouvant à l'extérieur, moi j'ai l'exemple de Valérie Pirson de Pistache, que je suis, parce que je pense que son film était vraiment particulièrement remarquable, et c'est vrai qu'elle a travaillé ensuite, là, qui a travaillé sur le film de... ça y est, du clipper français Michel Gondry, sur le dernier Michel Gondry, qui a travaillé sur pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il se pose toujours des questions par rapport à son côté auteur. Donc l'ENSAD, absolument... à voir. L'école Pivot, j'aimerais que tu m'en parles un tout petit peu. Alors l'école Pivot, on les connaît depuis peu, en fait, puisqu'ils participent depuis l'année dernière, donc cette année on les accueille à nouveau, hein, c'est beaucoup de dessins aussi, hein, beaucoup d'illustrations, beaucoup basées sur le dessin. Donc il y a un département animation 2D, et puis ils ont aussi quelques films en 3D là cette année. Il y a quelques petits travaux qui sont pas inintéressants en 3D. Voilà, c'est une école privée aussi, hein, au même titre que l'école Émile Cole. Voilà, donc il y a deux sites, en fait. Il y a un site sur Nantes et il y a un site, je crois, sur Rennes. Donc c'est un... J'ai pas... Vous, en tout cas, moi je connais mal. Juste, il y a des petites... Il y a des choses intéressantes. On a oublié de dire juste de l'ENSAD, c'est pas pour revenir sur l'ENSAD, mais vraiment, parce qu'en effet, c'est intéressant, ce qui est passionnant aussi dans l'ENSAD pour les fans et les passionnés d'animation comme nous, c'est qu'en fait vous avez quasiment toutes les techniques, aussi bien du volume que du dessin, et on les laisse faire, et souvent ils viennent, ils réfléchissent en première année, en deuxième année, ils réfléchissent à la technique qu'ils vont utiliser, et c'est ce qui est aussi passionnant. À l'MK aussi, tout à fait. Il y en a quelques-unes, heureusement, qui ont cette vision des choses qui est passionnante. C'est vrai. Ensuite, il y a l'ESI à Poitiers, avec notamment responsable de formation, je vois ça, Claire Fouquet et Jean Rubac. Attention. Deux grands noms. Alors Claire Fouquet, qui est plus récente, on va dire, évidemment, hein, que Jean Rubac, qui est un grand nom de l'animation depuis des années, et quelqu'un qui est bien aimé par le Forum des Images, on le voit souvent. Oui. Beaucoup de chance pour nous, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. L'ESI à Poitiers, alors, c'est quoi? Donc, l'École supérieure de l'image à Poitiers, on accueille aussi depuis le début, hein, c'est un petit peu dans la... on était tout à l'heure sur Angoulême, donc ça fait partie aussi du pôle image Poitou-Charentes, en fait. Hein, donc c'est y a deux sites, hein, il y a le SI qui est sur Angoulême, mais là qui est plus audiovisuel. Et puis là, il y a un département spécialisé en cinéma d'animation. Et pareil, c'est quoi? Donc on sent, quand on connaît Jean Rubac, on sent quand même l'influence, puisqu'il donne des cours et tout ça. On sent, donc animation 2D, hein, bien sûr. Cette année, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Il y aura, je crois, que deux films qui seront diffusés. Bon, c'est encore un autre univers. Hein. C'est une autre méthode. Autre chose. Alors, ensuite, l'ESAT, l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Notre école d'art, oui. Donc là, il y a un département, le DMA, cinéma animation, donc de Bernard Gabillon, hein, qui est extrêmement dynamique. Donc chaque année, là, il y a des choses hyper intéressantes. Hein. Il y avait l'année dernière, on avait quand même Yple Bergère. Voilà, cette année, il n'y a pas. Alors, là aussi, je crois qu'on a qu'un seul film, hein. Curieusement. Donc, ça, tu vois, c'est très d'une année sur l'autre. C'est ce en quoi il est aussi intéressant ce projet, c'est que d'une année sur l'autre, non seulement les productions sont totalement différentes d'une année sur l'autre, en termes de qualité, en termes de quantité. Et ça, c'est. Et alors, c'est pas valable que pour une école, c'est valable pour toutes les écoles. Enfin, nous, on le voit d'un point de vue extérieur, parce qu'on reçoit les films, on les visionne, on est, tu vois, on est organisateur, tout ça, donc on a un point de vue, on se dit, mais bon sang, chaque année, c'est drôle. D'une promotion à l'autre, alors il en sort plein de talents chaque année, mais d'une promotion sur l'autre, les productions sont totalement différentes. Totalement. C'est bien, c'est plutôt encourageant. Super intéressant, c'est encourageant, ouais. C'est. Non, mais c'est curieux. C'est vraiment drôle, ça. Donc, les AT, j'en reparlerai encore une fois à la fin. Mm-hmm. C'est notamment Cédric, il y a pas mal de gens qui sont des professeurs là-bas et qui ont créé donc, un site internet qui s'appelle foodanim.org, mm-hmm. qui est aujourd'hui, on va dire, l'une des références au niveau surtout du forum. Vous pouvez voir traîner, j'en avais déjà parlé à ce micro-là, vous pouvez voir traîner des gens comme Gilles Cuvelier, qui est un réalisateur des films du Nord et qui a fait un film qui s'appelle Chahut, que j'aime beaucoup, qui était en sélection officielle à Annecy cette année. Vous pouvez voir Franck Dion. Je vous dirai pas leur pseudo, comme il faut découvrir Franck Dion, donc la sœur de l'inventaire fantôme. Vous pouvez voir Jérémy Clapin, une histoire vertébrale, et il y a plein d'autres gens comme ça, plein de réalisateurs. Ce qui fait que si vous êtes un jeune étudiant ou même quelqu'un qui veut juste savoir, avoir des conseils, des choses comme ça, allez sur donc foodanim, foodanim.org, et il y a plein de choses. Et à l'intérieur, il y a un dossier. Regardez, il y a une petite rubrique dossier où ils ont fait quasiment toutes les écoles d'animation avec ce qui est très important. On peut en parler d'ailleurs maintenant, mais tu en as parlé déjà, donc les frais d'admission entre privé et public, et c'est vrai que certaines écoles peuvent être très chères, très bonnes aussi, hein, encore une fois, puis sortir de très très bonnes choses, on parlera tout à l'heure des DMA, mais c'est vrai que des fois certaines sont, il faut le savoir, c'est-à-dire que, sont très dures à... Bon, c'est très difficile de rentrer, l'ANSAD, Gobelin, c'est très compliqué. Supafocom aussi, c'est très dur de rentrer à Supafocom. Ou alors, c'est très, très compliqué. Et en plus, il y a quand même, c'est vrai, il faut le savoir, pas mal d'argent à mettre en jeu. Encore une fois, hein, souvent, parce que derrière, il y a du matos et il y a beaucoup de choses derrière. Donc, c'est clair. L'argent, et Dieu merci, pas pour toutes les écoles, on ne citera pas les premières galeuses, mais en tout cas pour beaucoup d'écoles, bien réinvesties par la suite. Alors là, je ne connais pas du tout. Alors, le TPA, en fait, c'est une... L'école technique de la photographie. Oui, c'est une école assez ancienne, hein, sur Toulouse. Ils ont un département animation 3D. Et ils font des choses plutôt pas mal. Il y a un film qui s'appelle... qui s'appelle Le Musicien, qui avait été primé à... reçu un prix à Imagina, où il était en sélection, enfin je ne sais plus exactement. Donc on l'a connu un peu comme ça. D'accord. Et l'année dernière, on avait passé un film, on avait passé deux d'ailleurs. Alors ils ont des productions assez longues. Mais bon, c'est pas une gêne, je veux dire, mais du coup, on ne peut pas non plus. Oui, tout à fait. Voilà, et l'année dernière, on avait passé un film qui était assez beau, qui s'appelle Orana, entièrement en image de synthèse, une histoire dans une. Savane africaine, enfin vraiment, c'est assez beau, quoi. C'est voilà. Et cette année, ils ont aussi, je crois qu'il y a deux films là qui vont être présentés pendant le Carrefour Animation. Donc c'est quelque chose qui toute légitimité à être présenté au Carrefour. Et qui a la chance de se trouver, enfin pour ceux qui y sont à Toulouse, ce qui est plutôt agréable, une assez jolie ville. Alors ensuite, on passe au poids lourd, le poids lourd. Des écoles. L'incontournable. L'incontournable avec de nouveau. Il y a toujours. C'est 25 ans, ils ont fêté 25 ans. Oui, ils ont fêté 25 ans. L'année dernière. Et donc, il y a toujours eu. Alors, c'est là où Franck Petitam, quand j'ai dit tout à l'heure, leader charismatique, parce qu'il y a des leaders charismatiques. Et donc, il y a eu. Alors, c'est un petit peu une honte de ma part, parce que j'ai d'un seul coup un trou de mémoire sur le premier leader charismatique, bien sûr, important des Gobelins. Maintenant, c'est Eric Rivert. Et juste avant, il y avait. J'ai un petit peu honte, qui est malheureusement décédé maintenant, et je m'en excuse. Mais ces gens ont toujours porté les Gobelins et qui font que les Gobelins aujourd'hui sont évidemment l'école d'animation la plus renommée dans le monde, puisque la plupart des gens des Gobelins viennent se... les prend juste à leur sortie des Gobelins pour aller... dessinateurs d'animation. À Disney, DreamWorks, etc. Sauf un. Et beaucoup au Japon, fois, quand même. Cite, à chaque fois, je le cite, sauf un, le premier qui est parti de France pour aller au Japon, parce qu'il voulait absolument qu'un prix, etc. Je vais laisser Cécilie, parce que c'est aussi quelqu'un qui vient souvent au Forum des images. Monsieur David Ancinas. Voilà, tout à fait, qui a travaillé avec Miyazaki, etc., qui s'est battu. Alors, le seul animateur français, enfin, jusqu'au Festival Japon 2001, je crois, 99. Et puis là, maintenant, il y a une vague importante de Français là-bas en ce moment. Hein, même la plupart, à mon avis, vont plutôt au Japon maintenant. C'est l'inverse. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu as pas des phénomènes de mode avec David, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Il a vraiment voulu. Moi, je l'ai vu alors que tous ses petits camarades se faisaient signer des chèques énormes de la part de DreamWorks pour se faire avaler par DreamWorks, Disney et toutes ces grosses sociétés américaines. Lui est parti au Japon et s'est battu pour apprendre le japonais. Enfin, vraiment, c'est un bon modèle. Alors, les gobelins, c'est... Oui, puis il y a la Chine aussi, beaucoup, pour David. Et la Chine aussi, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment le Japon. Mais, bon, on va pas parler de David tout le temps, non. même si ce serait très intéressant. Non, pour parler des gobelins, parce que c'est vrai que les gobelins, c'est assez emblématique, et leurs films s'en ressent. C'est vrai qu'on on reparlera, évidemment, un peu de la même chose avec Superfocom après, à savoir, c'est le problème d'Eric River, qui est... le directeur, le responsable du département d'animation, le directeur pédagogique, c'est Marcel Villouin, voilà, et le directeur de Gobelin, c'est Tristan Gilloire. D'accord. Donc, il y a quelque chose, c'est vrai, c'est l'idée de se dire, il faut, moi je me rappelle, c'est la première année du Carrefour d'animation, c'était même très choquant, parce que c'était le seul qui avait quasiment ce discours-là, en disant, alors que tous les autres essayaient de partir plutôt sur l'artistique, et River parlait, non, sur les 80% qui sortaient des Gobelins, ou 90% et qui avaient un métier, quelque chose d'important, évidemment, aujourd'hui, d'avoir un métier. C'est clair. Et les Gobelins, c'est un peu ça, c'est un petit peu à la fois une technique incroyable, ça fait partie des meilleurs. C'est une technique... Et des fois, malheureusement, au niveau des cours... Qu'on retrouve assez peu ailleurs, je pense, enfin, qui est unique, quoi, non ? Mais souvent, alors ça, sans problème. C'est unique, quoi. C'est, mais qui est souvent, malheureusement, au niveau purement du côté auteur, alors ça, c'est moi, c'est ah non, mais ça, c'est, pas, mais c'est autre chose, mais on n'est pas du tout dans un petit peu, on est plus dans le côté, c'est-à-dire que si un étudiant nous écoute, ou ses parents nous écoutent, si... ils veulent en effet que leur enfant aille ensuite sûr d'être pris dans un studio. Les Gobelins est sûrement l'une des écoles où, en effet, si l'étudiant travaille bien, il sera l'un des grands animateurs de demain. Et l'année dernière, au Carrefour, il y avait justement Christophe Serrant. Oui, bien sûr. Grand de chez Disney qui sortait des Gobelins. Mais c'est ça où c'est, pour rebondir, c'est là où c'est intéressant, le Carrefour. C'est que justement, tu n'as pas une école qui ressemble à l'autre. T'as pas une orientation chacun peut y trouver là sa propre orientation, ses désirs, ses choix, etc., etc. Et ça, c'est l'objectif même du Carrefour. Bien sûr. Alors, je vois que le temps tourne il faut parler. Alors, pas loin d'ici, de rue de la Roquette, l'Institut supérieur de l'art digital. Oui, pareil, c'est une toute nouvelle école. D'accord. Alors, qui est une école privée, et là, un peu à l'inverse de l'école de Franck, qui est une école qui forme en alternance. Donc, ce qui veut dire que c'est une école privée où le coût est quasi. Il n'y en a quasiment pas, puisque les étudiants sont en alternance, donc en même temps d'entreprise. Voilà. Donc, le principe est intéressant en soi. Donc il y a de l'animation, et puis il y a ils sont surtout, enfin je trouve, très doués pour le jeu vidéo, pour le game design. Donc là, cette année, on va voir quoi plutôt des Alors on va voir le Grand Prix Imagina Game Awards, qui est la goutte, qui est un prototype de jeu qui a eu le Grand Prix Imagina. D'accord. Et puis on verra deux films en 3D qui sont plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était Lizard, et alors on va passer ensuite à ne pas confondre avec l'ESA, en effet, c'est pour ça que Sylvie prononçait ESA et non pas, parce qu'après on a Lisa. Oui, parce que ESA, il n'y a pas de L. C'est, voilà. Et là, et c'est donc, là, Lisa, Lisa l'Institut supérieur. Voilà, l'Institut supérieur des arts appliqués qui se situe rue du Cherche-Midi, dans le 6e. Alors Lisa, c'est... Oui. Alors Lisa, donc c'est aussi une école privée, dont le responsable pédagogie est un ancien étudiant du LIN, du laboratoire d'imagerie numérique d'Angoulême, donc qui a développé beaucoup le département cinéma d'animation et département animation 3D. Ils ont également un département game design, c'est comme ça qu'il s'appelle. Chez certains, c'est game design, d'autres, c'est multimédia, enfin bon, ça c'est pas. Voilà. Donc, la finalité est importante. Du jeu vidéo. Voilà, il y a de l'animation et du jeu vidéo. Alors, donc, ça, c'était pour Lisa. Lisa. Moi, j'avais noté, je ne sais pas si ce sera cette année, A Soul is a Book, que j'ai vu cette année, Les Magiciens, un très beau film. C'est souvent des films à 2, 3, voire même. Oui, là aussi, beaucoup de relations collectives. Hein. Ah oui, oui. Pour un film qui s'appelle L'Usine. D'ailleurs, pour la plupart des écoles, tu remarqueras, sauf pour. Des écoles type Lensad ou l'EMCA, c'est rigolo, hein, parce très, que très particulier. Mais très souvent c'est collectif, et à part quelques-unes, mais vraiment très peu, c'est solo, quoi. Rien qu'en regardant s'il y a 1, 2, 3 ou 4 réalisateurs qu'on fait, on sait si l'école est plutôt à tendance, évidemment, ça paraît évident, mais avec un seul réalisateur à privilégier le côté un petit peu de la personne, quitte à avoir des choses peut-être un peu bancales ou quoi, mais on sent que ça sort de la personne. Et alors que les trois autres, où on va privilégier alors, des films souvent très carrés et souvent très beaux, on va en parler évidemment très rapidement, car je vois que juste après La Poudrière, il y a l'école dont on va parler à ce niveau-là. Donc il y a La Poudrière, avec la directrice Annie Teninge et responsable de formation. C'est vrai que des fois, il y a des non-responsables de formation qui font rêver. Laurent Pouvaret, pareil, réalisateur, et pas n'importe quel réalisateur, puisque La Poudrière, c'est l'enfant, on va dire, de Folimage. Voilà, de Folimage. Folimage, c'est Jacques-Rémy Girard, bien sûr. Donc voilà, pareil, La Poudrière, c'est vraiment... Alors c'est un cas aussi intéressant, La Poudrière. Tout à fait, parce que c'est une école là, gratuite, et là, qui forme vraiment des réalisateurs. Oui. Il y a pas de... On n'est pas obligé de savoir. Ça, là, c'est quelque chose de fascinant. C'est vraiment, c'est très clair. C'est, En fait, on vient avec un projet, avec des gens. Évidemment, il faut déjà avoir travaillé un petit peu, mais quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'apprend pas l'animation. On apprend l'animation, bien sûr, mais on est réalisateur, comme tu disais avant tout. C'est-à-dire que quelqu'un, qui même a pu être plombier pendant des années ou n'importe quel autre métier, s'il arrive avec une passion suffisamment forte et une envie et un projet qu'il a envie de mener à bout, La Poudrière peut... au final l'accepter en disant allons-y, on part là-dessus. Ça, c'est il n'y a pas assez d'écoles comme ça, moi, je trouve. Mais pareil, après, en même temps, on ne connaît pas les difficultés de l'école. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Alors la Poudrière, ce qui est intéressant, c'est que, heureusement, comme c'est... Ce sont des passionnés, quand même, qui sont à la tête de ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est, sans Folimage... Il faut être passionné, il faut être... Je pense surtout que sans Folimage, la Poudrière n'existerait pas, parce qu'évidemment, La Poudrière a a des possibilités d'avoir avec Canal+, ils ont beaucoup de chaînes comme ça qui donnent de l'argent. Et évidemment, le fait que Folimage, ça soit l'école qui soit sortie de Folimage, forcément aide, et ce qui permet d'avoir à chaque fois des choses extraordinaires. Cette année, alors des choses complètement différentes. On a des choses, moi cette année, comme Le Bon Numéro, The End. Excellent Bon Numéro. Voilà, on chose Cercos, Bout en Train, Nocturne, Dreamer. Alors évidemment, tous ces titres ne vont rien vous dire. C'est souvent une seule personne qui les fait, mais vous allez avoir Le Bon Numéro qui sont... D'Ian, enfin c'est des choses qui peuvent être aussi bien, on disait tout à l'heure, en volume, en animation traditionnelle, en papier découpé, reprendre des images par exemple d'anciens films, etc. Donc il y a tout un mélange qui est absolument passionnant, et faut absolument noter le nom de La Poudrière. Oui, tout à fait, l'école est à Valence. Voilà, à Valence. Après P, il y a QR, et après il y a S. Et S, pour les gens du monde de l'animation, pour ceux qui nous écoutent peut-être, qui ne connaissent pas bien l'animation ou quoi, ça peut... Mais il y a une école emblématique qui est née il y a quoi 7 ans, 8 ans, un peu plus maintenant peut-être. Superinfocom a été créée, je crois, en 2000. Voilà, donc 2000, ça fait 6 ans. Donc c'est Superinfocom. 2000, Superinfocom, c'est très emblématique. Et avant de donner ma vision de Superinfocom et de Superinfocom, je pense que tu peux parler des deux. J'aimerais que tu nous parles de Superinfocom et de Superinfogame, les deux en même temps. Et moi, je dirais un petit mot juste sur Superinfocom après. Je te laisse d'abord parler. Oui, très rapidement, parce que je peux pas, en plus de ce que je connais, donc je ne suis pas non plus responsable, tu vois, de présenter les écoles. Mais en tout cas, Superinfocom donc, forme, à la fois ça peut être des réalisateurs, c'est de l'infographie, bien sûr, c'est de l'image 3D, etc., de très haut niveau, quoi. C'est vraiment du très très haut niveau. Les productions qui en sortent chaque année sont... tout le monde se rappellera d'Overtime, le célèbre film qui a remporté le prix École au Festival d'Annecy, qui est absolument un chef-d'œuvre. D'ailleurs, qui fait partie du programme qu'on envoie à Tokyo, là, le cadre... évidemment. voilà, donc ils ont un site sur Arles, je crois, qui est assez récent. Qui est de 2-3 ans, en effet. Oui, je crois. Oui, tout à fait. Ça remonte pas plus loin que ça. Donc c'est la même entité, c'est le même même système de réalisation, donc on est toujours sur de la 3D, etc. Et pour une, là aussi un jeune site, hein, puisque c'est pas une jeune école, il y a vraiment, là on va voir Clic-Clac, je sais pas si tu l'as vu, hein, qui est le grand prix Imagina de cette année. D'accord. Entre autres, une petite merveille, vraiment sortie tout droit de nos écoles françaises, donc c'est vraiment un vrai bonheur. Alors Superinfocom, ouais, Superinfogame. Alors Superinfogame, donc c'est l'école voisine en fait, hein, donc là qui forme à la gestion de projet dans le domaine du jeu vidéo, hein, game design, gestion de projet, ouais, etc., etc. Mais vraiment, il faut venir voir les prototypes de jeux quand même. C'est vraiment, enfin, en termes d'animation, quand on aime ce qui se passe en termes de création d'images, etc., c'est assez bluffant. Hein. Donc là, on est dans de la 3D en temps réel, hein, parce que c'est. Mais c'est quand même très très beau, quoi. Il y a des belles choses. Alors Superinfocom, c'est. Allez, moi je vais dire mon petit mot. Superinfocom, c'est vrai, c'est un peu les gobelins de l'animation de synthèse. Ça va, si vous rentrez à Superinfocom, normalement, derrière, il y a DreamWorks et. Oui. Shelley, je ne sais plus comment ça s'appelle-t-elle. Shelley Page. Shelley Page, qui est tout le temps là en train de venir récupérer les étudiants à peine sortis. D'ailleurs, ceux de Wartime sont. Je crois qu'ils sont déjà chez DreamWorks. Voilà, il y en a un en tout cas. Il y a Studio AK, il y en a qui est parti au Studio AK à Londres. Il y en a un qui est au Réatlan. Qui est à Paris et qui a été récupéré par une boîte de jeux vidéo où il fait des clips vidéo. Mm-hmm. Je sais qu'il avait fait un, j'ai pas vu, pour David Hallyday, enfin genre de choses, des pubs. Voilà, donc Superinfocom, c'est ça, c'est un petit peu. Il y a chaque année, le problème de Superinfocom, c'est vraiment le côté auteur. Non que je sois absolument omnibilé par ça, mais c'est vrai que souvent c'est des très très belles cartes de visite, c'est absolument sublime, c'est absolument étonnant, ça manque souvent d'histoire, de fond, c'est évidemment mon opinion. Il y a toujours, Dieu merci, chaque année, des petites merveilles qui en sortent. Quand je dis des petites merveilles, c'est-à-dire des gens où on se dit « Ah !» Là, il y a quelqu'un derrière. Il y a eu Romain Segaud avec Tim Tom, qui est un film très drôle, avec deux petits personnages qui se parlent, avec comme un flipbook, en fait, avec des carnets de croquis. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Overtime, il y en a eu. Et il y a, chaque année, il y a des. Cette année, des il y a quelques petites choses étonnantes. Donc, à Superinfocom Arles, en effet, il y a Clic-Clac et Cafard. Est très proche, on va dire, d'Overtime dans l'univers noir et blanc, mais avec un homme qui écrase un cafard et qui ensuite va subir la vengeance de tous ces cafards, avec des ambiances très très overtimiennes, on va dire, très étonnantes, avec des choses aussi différentes qu'entre deux Altai qui se passent dans les steppes mongoles. C'est très beau, un petit peu plat, mais très beau. Et ensuite, on a Superinfocom Valenciennes. Alors, Superinfocom Valenciennes, il faut que vous ayez voir un film qui, à mon avis, l'overtime de cette année, c'est-à-dire le film qu'il faut absolument aller voir, qui s'appelle 90 degrés, qui est un film de Julien Janot, Raphaël Martinez-Bachel et François Roisin, et qui est un film en noir et blanc avec des dominantes de bleu à des moments donnés, qui est absolument, mais... Un jeu de couleurs... Incroyable, qui est absolument incroyable, mais qui en plus très très fin, très malin, très très intelligent. Et voilà, donc ça c'est Superinfocom, donc plein de belles choses, hein, quand même à Superinfocom, même si des fois on peut être un peu critique. Et alors on va vite se dépêcher pour finir sur l'Université Paris 8. L'Université Paris 8. Oui, alors Paris 8, c'est pareil, c'est l'une des plus anciennes formations à l'image. Enfin, le département ATI existe depuis, je crois que c'est l'équivalent des Gobelins, c'est très très ancien. C'est ma fac. Ou de A2I. J'ai fait Paris 8 et je les ai connus en effet, c'est des gens passionnants et qu'on plein de... c'est incroyable. Et c'est vrai qu'ils participent au Carrefour depuis, ils n'y étaient pas la première année mais on les a trouvés la deuxième année, et ils étaient aussi très très contents de participer parce que pareil, ils sont un peu sortis de sous cloche, quoi. Et chaque année des films, des très beaux films. Et puis là, et donc très Paris 8, du cinéma, donc hein, évidemment on est dans l'idée, mais on est dans très l'image de synthèse là aussi. Hein, et puis il y a aussi des prototypes de jeux qui sont d'une qualité esthétique assez bluffante. Et en 30 secondes, même pas, le studio Le Frénois. Oui, alors c'est pas bien sûr une école, hein, pour ceux qui le connaissent, c'est plutôt une. Ce qui se passe au studio, enfin c'est quand même un endroit absolument, j'avais pas incontournable, mais c'est une maison, une résidence d'artistes et d'étudiants. Donc ils ont ça leur arrive d'avoir des productions comme ça, que les étudiantes aient des productions en fin de leur cycle. Donc là on montrera un film qui vient du studio Le Frénois. D'accord. Donc c'est pas une école de formation qui forme pas, elle est pas, si vous voulez, si tu veux, c'est pas reconnu comme une école de formation cinéma animation, mais ils ont comme ça une résidence d'artistes et d'étudiants. Ils ont aussi toute légitimité à participer. Alors, donc voilà, 1h30. J'espère qu'on a fait le tour. J'espère que vous aurez été aussi bien passionnés par le début, ce qu'on a dit, hein, Mano, les tables rondes, plein de choses. Vraiment, en 3 jours, il faut venir. C'est vendredi 10 mars, samedi 11 mars, dimanche 12 mars, hors les murs. À la Cité des sciences et de l'industrie. Sciences, ouais, voilà, tout à fait. Métro-Port de la Villette, notamment. On peut aussi Métro-Port de Pantin. Oui, oui. Non, plutôt Port de la Villette. Enfin, Port de Pantin. Sinon, il faut traverser tout le parc. Il faut traverser, mais c'est intéressant. Il fait encore beau. Vous allez voir le vélo enfoui. Vous allez voir plein de choses. Voilà. Plein de choses très intéressantes. Et il y a plein de choses. 10h30, 11h, je vois. Donc, on est sur plusieurs sites. On est dans les. Aussi bien l'auditorium, espace atelier Carrefour numérique, les instantanés, prototypes de jeux vidéo, plein de rencontres. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, ce qui est passionnant avec les étudiants, c'est qu'ils ont envie de faire des rencontres. Ils ont envie de voir plein de choses. Bien sûr. Ils en voient. Et c'est. Voilà, il y a une vraie dynamique à l'intérieur de. Du Carrefour même, et le fait, je pense, que ça soit sur 3 jours va peut-être aussi, ça c'est mon coup de cœur aussi par rapport au fait que ça soit sur 3 jours. On se connaît un petit peu avec Sylvie, donc j'avais souvent dit que la journée seule, je pense, était bien, mais laisser les gens, en fait, chacun un petit peu dans leur domaine. Là, le 3 jours, oui. Les gens vont pouvoir prendre, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pass 3 jours seulement pour 11 euros. Oui. Et donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir revenir et puis rencontrer, et puis se dire, oui, on s'est vu hier, mais il y a telle école, finalement. Temps, voilà. Exactement. Ouais. Et des vraies rencontres et des vrais dialogues entre personnes, je pense. Oui, parce que ce qui est important, c'est aussi de faire venir un grand nombre de professionnels. Ça, c'est aussi le deuxième objectif. Hein. Il y a d'un côté les écoles, les étudiants, mais bien évidemment, faire le mieux possible, qu'ils puissent se rencontrer et puis échanger des choses.